À la criminelle. Africa sauvage. Piazo. Poto, t'as pris du galon, t'es sorti du ballon. Fais trois coups de crosse avec le canon. 80 de trait, la puissance tu connais. Si une grosse cagoule, t'es un gros poney. 93, 93, Bangkok City, 93. C'est la BO de ma mort, c'est l'album de ma vie. Je suis rentré dans ta tête, j'avais pas tant de cadors. Les plus cravants de la mort, je m'en fous de tes ventes ballons. Travaille avant t'ador, je fais le tour de la ville. Pas les premiers qu'on démarre, pas les derniers qu'on finit. 93, 3, j'aurais brûlé un continent. Bicrave la barre, mais Léon KGF, vous montre sur tous les contrats, puis guette au carnage. Tout ce qu'a voulu chez Balmain, sans frein on achève. Dans ma tête on est blin blin, mais bon c'est mal chef. Placé mes traces, le regard est glacé. C'est tracé, mais pas seul, l'équipe s'est déplacée. Pour le million, 3, 5, 7, laissez passer. J'ai touché du pilon, on dirait glacé. Dormi à Féfé, cercle Givenchy. Toutes tes grand-mères qui rappelaient grosse folle. Toi petite marocaine, moi sale tes bandits. Si toi bien donné, moi manger ton sang là. Crosse de fusil, c'est un calier sur l'épaule. Crache dessus pour faire glisser la couleuvre. Tous dans une brochante, deux sont dans un hall. Plus les rats, on est capés de la Courneuve. Sommes, on est pas des bâchés. Les autres et nous, c'est pas le même. C'est Eric Rafale, si tu veux. Fou, je baiserai la France jusqu'à ce que. On connaît pas tes pas de chez nous. Les autres nous c'est pas le même. J'ai ri de rapport si tu fais. Vous baiserez la France jusqu'à ciel même. T'as pris du ballon, t'es sorti du ballon. 9 francs coup de tranche avec le canon. 80 je traite la puissance tu connais. Je suis une grosse cavoule qui a un gros bonnet. 3, tu fais le fond de piétine. Même si t'es une célébrité, le flow est illimité, rien ne sert d'imiter. Sont tous intimidés, sont pas en sécurité. Juste des bites pour faire ses hommes même plus dignité. Ici ça pique grave la sauf par nécessité. Nago y'a bientôt pour pas gâter. Kanga Monoko, Kayate. Calage criminel, je ramène la lumière même dans l'obscurité. T'es pas de la famille, pas de négociation. On veut pas écouter tes explications. On arrive chez toi sans invitation. On t'allume ta mère sans hésitation. Un écrasement de thé et je te couperai ta respiration. Sauvage, Sauvagerie 2 leur a donné un peu d'inspiration. Nous chez cher, tu connais l'adresse. R.E.S. je t'efface comme Yannick Bolassi, comme Riyad Mahrez. Algérien sauvage, Africa sauvage. Connu de tout part comme la tour Eiffel. Sauvagerie, je suis toujours en tête comme un couvre-chef. Salage criminel. Ta ta ta 9, 3, 2, 7, 10, 12, 14, le chiffre du loto. Tu pleures ta meuf qui t'a quitté. L'on pleure nos proches partis trop tôt. Algérien sauvage, Zaïrois sauvage, Africa sauvage. Franchement on est trop fiers. Ouais, je baisse ta receu. Ouais, je baisse ta receu. Mais je suis pas ton beau frère. T'as pris du ballon, t'es sorti du ballon.